La patrie est en grand danger. La patrie est en grand danger. La patrie est en grand danger. La patrie est en grand danger. Il n'y a que toi pour le baiser comme ça.